Se noyer dans le feu et s'immoler par l'eau, enfin se pendre à tes cheveux, le temps d'une chanson, le temps d'une chanson. Vouloir toucher le vent, hiberner tout l'été, n'est pas encore dans l'air du temps. Il te faut patienter, il te faut patienter. Les mots n'expriment jamais ce qu'on veut dire d'eux. Leurs sens seront toujours un goût bien malheureux. Se comprendre aujourd'hui, voilà le véritable enjeu. Entendre le silence, vivre dans les nuages. Parles-tu de liberté, d'essence ou bien tu dois tourner la page. Tu dois tourner la page. Tomber vers les étoiles et plonger dans l'espace. Même dans le désert, on peut se noyer dans la masse, se noyer dans la masse. Les mots ont une essence à chacun de trouver. Ceux qui ont de la chance pourront les faire danser. Et quoi que tu en penses, essaie d'imaginer. Essaie d'imaginer.